Bonjour et bienvenue dans votre émission Au fil des mots. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Salut Sabine, salut à tous, comment ça va? Mais ça va bien et puis on s'apprête à faire la dernière de l'année. Et oui, c'est la dernière de l'année. J'espère que vous avez passé tous un joyeux Noël. Et puis en attendant de franchir le cap de cette nouvelle année, on va se faire plaisir aujourd'hui. Oui, on se fait plaisir aujourd'hui. On vous passe des morceaux qu'on aime bien avec des artistes qu'on a rencontrés. Et ça nous fait plaisir de vous les faire réécouter. Oui, des artistes qui nous ont marqués par leur travail et par leur gentillesse. Donc on avait envie de partager cette dernière émission avec eux et avec vous. Et puis effectivement, on a choisi essentiellement des invités qui ont évidemment fait leur au fil des mots avec nous. Ils sont venus soit en studio, soit nous avons rencontrés sur des festivals ou sur des lieux de concert. Commençons par les Bérets des Villes, nos amis privadois que l'on salue. Eh oui. Ils sont venus deux fois au studio et on les avait reçus notamment pour leur dernier album, Du bout des doigts. Et je vous propose d'écouter, pour commencer donc, une chanson qui s'appelle « J'ai balancé ». Comment faire pour en arriver là, sans mettre d'écharpe ni même prendre de gants. J'ai pas choisi de nous remettre à plat. Quand tout est lisse, je m'enlise. Quand le reste est droit, je m'aperçois qu'on ne va pas trancher d'une seule bise, ni d'un bouquet ce qui n'avance pas. J'ai balancé loin les clés baissées, le rideau. Ses poings, le vent et la fleur de peau, puis avec soin, ni pour ni contre, au contraire, les deux pieds joints aux genoux dans la fourmilière, les doigts dont la porte close advienne plutôt que pourra. Mais il aurait mieux fallu que j'arrose. Garde la pêche, je prends le choléra. Je descends au troisième sous-sol, où tout est sombre et mouillé. Ça sent la morille, y'a tout qui dégringole. Les gens s'en mêlent, finissent par cafouiller. J'ai balancé loin les clés baissées, le rideau. Toi, mince et point, le vent et la fleur de peau. Avec soin, ni pour ni contre, au contraire, les deux pieds joints aux genoux dans la fourmilière. Oh, oh, oh, oh, oh. Alors plutôt que d'atteindre la conclusion du bilan, je dépose des affaires, y'a plus rien à éteindre de la petite flamme qui vacille avant. J'ai balancé loin les clés baissées, le rideau. Ramasse ses poings, le vent et la fleur de peau. Puis avec soin, ni pour ni contre, au contraire, les deux pieds joints aux genoux dans la fourmilière. Juste la liberté, celle qui me tendait les bras. Ça déborde et décante même sur les côtés. Ce qui a disparu réapparaîtra. Un artiste que j'aime beaucoup, qu'on a rencontré au mois de juin, il s'agit de Thomas Jagas, avec son projet Jagas, qu'on avait vu aussi avant sur le festival Le Village des Musiciens à Saint-Martin. Un artiste engagé, au grand cœur, qui défend les différences. Alors n'hésitez pas à aller le voir en concert quand il passera près de chez vous. Et une chanson que j'aime beaucoup, Ma Brésilienne. Sur les sables mouvants, je l'aime. En anglais, en allemand, je l'aime. Quand elle prend les devants, je l'aime même. Dans les bras d'un amant, ma brésilienne. contemplation. Elle m'aime quand ma parole est con. Elle m'aime quand je suis coquet. Elle m'aime même dans mon emblème, ma brésilienne. Elle a nourri en silence mes spies d'une substance amoureuse. Elle est mon héroïne à la vie, à la mort, l'envie en remords, dans nos corps à corps, dans nos désaccords. J'en veux encore. À la vie, à la mort, l'envie en remords, dans nos corps à corps, dans nos désaccords. J'en veux encore. Quand elle me déserte, je l'aime d'égal à égal. Je l'aime quand elle me vénère. Je l'aime même quand elle court à notre perte, ma brésilienne. Dans ma méta-névrose, elle m'aime en overdose. Elle m'aime par devant, par derrière. Elle m'aime même quand je suis sa chienne. Allez, on enchaîne avec les amis du groupe Joarpo. On les avait déjà reçus une première fois, c'était en mai 2021. On les a rencontrés de nouveau en septembre 2023, suite à leur passage au Festival du Village des Musiciens de Saint-Martin-de-Valamas. Il me semble qu'ils sont en studio pour enregistrer. Oui, oui, je pense qu'on aura bientôt des nouveautés à vous proposer. En attendant, voici un extrait tiré de leur album « Song from the Roots » qui s'appelle « Arizona ». In a shed of a county on this road, from a coffee shop looking. For his grand roar ever after, a setting sun will sing. Well, make me more certain. My cares and my true worlds. When I've bought all my body, when I've bought all. Man, we've lauded but sunburn, the crow. Stones and walls, builders. Phoenix make me my sound. My caves and my jewels. When I've bought all my body. Eh bien, on reste à Valence, avec un groupe qu'on n'entend plus. Mais Rémi, si tu nous entends, peut-être un jour le groupe va revenir. Alors c'est un extrait live, un piano-voix, qui s'appelle Anastasie, et du groupe Remingway. Un excellent morceau. Effectivement, un excellent groupe, on aimerait bien les revoir sur scène. Juste vous et moi, maintenant. Des lots de consolation, Anastasie. Tu sais, j'en ai des tonnes, mais j'en ai des tas. C'est des cartons de confettis. J'en ai à profusion pour toi, je n'ai que ça. Alors tu peux danser sans effort, sans avoir peur de tomber. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors près de moi, tu peux rester. Dans mes bras, reste ici. Dans mes bras. Dans mes bras, Anastasie, Anastasie. Des pchits pour tes bourdons, les cafards de tes nuits. Oui, pour tout ça, j'ai la solution. Puis je dois avoir en pharmacie, pour tes cicatrices, un peu de coton. Alors tu peux me prendre la main, sans craindre le moindre danger. Tout ce qui ne tue pas nous va bien. Alors avec moi, tu peux rester. Dans mes bras, reste ici. Dans mes bras, reste ici. de la joie de vivre, anesthésie, je dois avoir ça en rayon. Et pour tes yeux, des éclaircies, je te prescris ça pour de bon. Alors tu peux rêver plus encore et sourire à ton passé. Tout ce qui ne te tue pas, j'adore. Alors avec moi, tu peux rester dans mes bras. Dans mes bras, c'est ici. Dans mes bras. Dans mes bras, reste ici. Dans mes bras. Dans mes bras, reste ici. Anastasie. Dans mes bras. Dans mes bras, reste ici. Reste ici. Merci pour elle. Eh bien, rencontre avec les deux frères, Lucas et Quentin Meige, pour leur duo Kindred, basé entre l'Ardèche et Valence, avec un extrait de l'album L'Autre Moi et le titre Devenir quelqu'un. Et ils sont en train de nous préparer un deuxième album, mais on le recevra courant 2025. Hâte de le retrouver. En concert de fortune, je traîne ma besogne, mes mots dans les bars, loin d'ici, de chez moi, de chez elle. Elle attend que je ramène un peu d'oseille. C'est vrai qu'il faut que je justifie de l'absence, que je laisse une chance, qu'elle pense que c'est un métier, un vrai, pas juste l'occasion de chanter et me saouler. Elle saisit pas que c'est vital, une obsession frontale. J'ai trop besoin de poser, de formuler, d'examiner ce qui se passe au fond des environs de mon âme. Chaque fois que je rentre lessivé, le camion entre les doigts pour fuser. Toujours la même affaire qui donne à penser. Toujours je me demande avant le coucher, vais-je devenir quelqu'un de partir. Ai-je déjà manqué le train de mon avenir? Quelqu'un. Des rêves plein la tête, l'ambition de requin. Je traîne mes lubies, mes envies, mes paris décalés en retard à côté. Je me retrouve un peu désorienté. C'est vrai qu'il faut qu'à la faveur des grands soirs, je préfère le cambouis, le papier, les crayons à créer, à rayer, défaire et refaire ces petites phrases lancées. Il faudrait bien que je délaisse mes excès de paresse, perdu dans mes délires, mes angoisses, mon quotidien de pessimiste, heureux. Faudrait être un peu plus sérieux. À chaque fois que je rentre épuisé, la route s'allonge et côtoie la perpétuité. Toujours la même affaire qui donne à penser. Toujours je me demande avant le coucher, vais-je devenir quelqu'un avant de partir? Ai-je déjà manqué le train de mon avenir? Eh bien, vous êtes toujours dans Au fil des mots. Et vous êtes dans une émission où on a décidé de partager avec vous des coups de cœur que nous avons eus suite à toutes les rencontres qu'on fait dans cette émission. Eh bien, continuons. Le groupe Sans Voix est venu de Haute-Loire nous présenter au mois d'avril son album Le Bonheur des Tempêtes, avec une chanson qui me fait penser à l'une des miennes. Voilà pourquoi je l'ai choisie. En plus, c'est une très très jolie chanson. Voici La couleur de ton sang. Et on les salue. Thank you. violent quand il s'enivre de ce vin vieux qui l'envenime et repeint vainement nos veines de folles effluves volatiles. Orange orage dès qu'il se ronge et range nos rêves à l'étage sur la commode des soirs de rage. Des soirs de rage, nos mains menues s'animent encore et nos regards sont différents. Mais si nos cœurs battaient trop fort, ici ou là on les entend. Je nous regarde et je ne vois que des artères à l'unisson qui cherchent à gagner le combat en faisant couler nos frissons. Alors, je me demande s'ils se ressemblent. Celui des communards, celui de Luther King, celui de la mémoire du bateau Potemkin, celui que l'on se vend, celui qu'on a donné, celui de nos 20 ans toujours envenimés, celui du paysan que l'on a oublié. Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? La grande valse des saisons, à l'heure du printemps qui s'éveille et va perdre la raison. Rouge et pur comme on le croit, dans les champs tristes quelquefois. Rouge au fond de nos nuits d'effroi, nos nuits d'effroi. Nos yeux envieux veulent y croire, tellement nos regards sont les mêmes. Dans la loterie du grand hasard, a-t-on tiré les mêmes veines? Je nous compare et j'aperçois l'ombre d'un doute planer sur nous. Et je ne comprends pas pourquoi s'écoule l'encre sur nos joues. Alors, je me demande s'ils se ressemblent. Celui de Sacco, celui de Vanzetti, celui de ces canuts qui ont chanté la vie, celui que l'on réchauffe, celui qu'on a gelé, celui de cet enfant répandu sous les pieds, des batailles et des chants que l'on a oubliés. Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? Alors dis-moi si tu m'entends, quelle est la couleur de ton sang? On part un petit peu plus loin, je vous emmène un petit peu plus dans le sud, du côté de Sète, avec une artiste à fleur de peau qui nous parle de la vie, à la fois écorchée, à la fois amoureuse, un hommage au vivant. Elle s'appelle La Pietà et voici La vie vous va à ravir. Je vous ai vu la maudire, faut dire que la belle, elle est insolente. D'insaisissable soupir quand elle vous entraîne dans la tourmente. Et vous vouliez parfois la fuir, elle vous agrippait à ses hanches. Elle vous retenait d'un sourire, parfois d'un chant quand le plancher flanche. Mais la vie vous va ravir. Ne partez pas maintenant. Et si ces vagues vous chavirent, serrez-la plus farouchement. Serrez-la plus farouchement. Je vous ai vu sur le fil. Faut dire que rebelle elle est, l'insouciante, insoutenable et fragile. Quand elle vous susurrait du silence, oui, vous vouliez du paisible. Elle vous attirait à ses branches, elle vous caressait d'invisible, parfois d'un chant quand le monde flanche. Mais la vie vous va ravir, ne partez pas maintenant. Et si ces vagues vous chavirent, serrez-la plus farouchement. Serrez-la plus farouchement. Aimez-la. Aimez-la plus furieusement. Aimez-la. Aimez-la. Aimez-la. Aimez-la. Je vous ai vu la tenir à chaque souffle, à chaque instant. Si elle vous tord le cœur et les cils, c'est bien que vous l'aimez infiniment. Mais la vie vous va ravir, ne partez pas maintenant. Et si c'est vrai, la vie vous va ravir, ne partez pas maintenant. Et si ces vagues vous déchirent, aimez-la plus furieusement. Aimez-la. Aimez-la plus furieusement. Aimez-la. Voici Vince Terranova, auteur, compositeur, interprète, membre de la troupe des Ardéchois. Lui, il est venu au mois de mai pour faire sa deuxième émission. Son album, Un monde d'après, est une histoire qui commence à la fin d'une histoire. Voici pour le coup la chanson Mes choix. Je me rappelle à 20 ans, j'étais rarement tout seul. Je me sentais si puissant, j'ouvrais toujours ma gueule. À la fac, les copains réglaient tous mes problèmes. Je cherchais mon chemin, je rêvais de je t'aime. J'étais un jeune con, comme on en croise partout. Un philosophe bien bidon, avec un avis sur tout. J'attendais de l'existence qu'elle m'épargne les coups durs. Que chaque nouvelle romance soit la plus belle des aventures. Pourtant, je me sentais vide, comme privé de bonheur. Je m'imaginais prendre des rides en entendant chanter mon cœur. Moi, ce que je voulais, c'est être libre, bâtir ma vie pas à pas, avancer comme un bateau ivre. Il m'a fallu faire des choix. Un jour, j'ai eu 30 ans, une vie bien posée, où le temps court lentement pour mieux se rassurer. Des journées sans surprise, dénuées de scrupules, sans que je réalise que je vivais dans une bulle. J'avançais les yeux fermés, tellement peur d'avoir tort. Mes espoirs se fanaient comme dans une petite mort. Un garçon, une fille, de quoi être comblé. Une jolie famille pour un présent parfait. Pourtant, je me sentais vide, comme privé de bonheur. Je me voyais prendre des rides en entendant pleurer mon cœur. Moi, ce que je voulais, c'est être libre, bâtir ma vie pas à pas, avancer comme un bateau ivre. Il m'a fallu faire des choix. J'ai dépassé 40 ans, je suis perdu de ma superbe. Je ne compte plus les printemps, de peur d'être un vieux en herbe. Ma vie si idyllique s'est retrouvée bien fichue à cause de cette foutue musique. J'ai presque tout perdu, mais je souris souvent. Je crois encore à l'amour, dire à quelqu'un passionnément: soyons ensemble pour toujours. Mais je suis pas un cadeau, peut-être déjà un vieux con. Mes vies, mes fardeaux, je les porte avec passion. À présent, je ne suis plus vide, mais toujours en quête de bonheur. Je me vois prendre des rides, mais j'entends moins pleurer mon cœur. C'est vrai que je suis libre, je peux crier que je suis moi. Et toujours comme un bateau ivre, je vis en assumant mes choix. Mes foutus choix. Eh bien, vous êtes toujours dans votre émission Au fil des mots sur RDB. Et ce soir, on se fait plaisir. On vous parle d'artistes qu'on a reçus. Ah ben, finalement, c'est moi qui vous emmène un petit peu le plus loin. On va voyager en Bretagne avec le groupe de reggae-roll Maracuja qu'on avait rencontré sur le festival Le Village des Musiciens. Une belle chanson live, du coup. Le leitmotiv du concert, c'est le positif. Le positif, vous savez, c'est comme un sourire. Un sourire, ça change non seulement la personne qui reçoit, mais aussi la personne qui donne. Et le positif, c'est pareil. Le positif attire le positif. Quand on est positif soi-même, on rayonne et on fait positiver un petit peu tous les gens qu'il y a autour. Ce morceau, on va le dédicacer à toutes les petites étoiles qui sont dans le ciel. Tous ceux qui nous manquent très fort, qui sont là au fond de nos cœurs, à qui on pense à chaque fois qu'on lève les yeux et qui sont partis trop tôt mais qui veillent sur nous de là-haut. Ça s'appelle Comme des étoiles. Merci à tous les amis, c'était Maracuja. Merci pour les sourires, merci pour les étoiles. Big up. Tâchons d'être les bons et non les mots faciles. Comme des étoiles, on fout de prier, de faire quelque chose pour ne pas être oublié. La route est longue qui mène à nos rêves. Tâchons d'être les bons et non les mots faciles. Comme des étoiles, à toutes nos étoiles. Relève la tête, élimine toutes les pattes sondes. La liberté, c'est juste un choix. Reste simple et marche droit. Trouve de l'espoir dans le positif. Attitude saine, regard décisif. On recherche tous la même chose. On n'a pas tous la même prose. Pas tous les mêmes impros. Pas tous les mêmes dispo. Et on se perd dans nos objectifs. On vit nos vies sur des négatifs. Mais on se parle de tes mêmes. On reste positif. Même si parfois ça fait mal, on reste positif. On voit du ciel et terre, on reste positif. Voilà. Positif, positif. A toutes Allez amis, est-ce qu'on peut vous demander de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, tout le monde. Plus de bruit. Autour de toi, le monde avance et personne ne garde ta place. Donne le meilleur de toi-même et n'abandonne pas. On a tous en nous une force qu'on ne soupçonne même pas. Trouve de l'espoir dans tes idéaux. Tu apprendras à tomber de haut. Mais on se bat, on se relève, on reste positif. Même si parfois ça fait mal, on reste positif. On va du ciel et terre, on reste positif. Voilà. Alors tout à l'heure, Chavid, vous parliez de Jagas. Eh bien, moi, j'ai envie d'y revenir à Jagas. C'est aussi un artiste qui m'a énormément marqué. Et effectivement, on l'avait rencontré donc à Tournon. C'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau. Un poète, un rocker, un interprète aux mots forts. Voici « On ne voulait pas grand-chose ». Extrait d'un EP de 2014. Le titre, à mon sens, est une parfaite synthèse de ce à quoi nous aspirons tous. Contenter de peu, c'était déjà beaucoup. Un beefsteak pour deux dans les jours un peu fous. On n'a pas souhaité la vie à 5 étoiles. Nous ce qu'on demandait, un confort banal. Pas de sous pour Disney, c'est nous qu'on jouait Mickey. Faut bien se débrouiller quand t'as les poches trouées. Car pour les petites gens, c'est toujours l'aventure. On partage le soleil quand on a la vie dure. Ce jour est arrivé tel un coup de tonnerre, une lettre pour me remercier de mes années d'enfer. Le cœur à genoux, la gueule dans un verre. Ma fierté prend un coup, se retrouve sous terre. Nous, on ne voulait pas grand-chose. Un boulot, du vin, des gens. Tu nous as toujours dit, le boulot c'est la vie. Alors quand il n'y en a plus, meurt-on petit à petit. Déjà vendu mon âme, abîmé mon corps. Mais là mon cœur rame. C'est comme une maladie qui te colle à la peau. tempête, je jouais encore Mickey, j'étais un papa chouette, mais en moi tout est mort, j'ai la joie d'un cimetière, je suis un meuble qui décore une bougie sans lumière. Parfois j'ai senti le bon vent, j'avais la baraka, mais c'est comme un plein temps de trouver un vrai contrat. On est dans la lune, plus de mine pour une place, perd les peurs de l'abîme, d'un monde qui vous efface, d'un monde qui vous efface. Alors voilà, c'est gagné, je laisse ma place. Alors voilà, c'est gagné, je laisse ma place. Chose. Un boulot du vin, des gens et des sentiments. Nous, on ne voulait pas grand-chose. Un boulot du vin, des gens et des sentiments. Eh bien, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait une chanson qui ressemblait à la tienne. Pour faire écho au sans voix, on va t'écouter, Christophe. Ah ben, c'est cool. Avec la chanson « Le sang de tous les hommes » que tu chantes en featuring avec Fred Charrier. Fred, que nous avions reçu donc dans Au fil des mots aussi, et qui fait également partie de la troupe des Arts des Choix. Et ça avait été un plaisir de partager cette chanson avec elle. Effectivement, « Le sang de tous les hommes », c'est un petit peu le point commun qui nous relie tous. D'ailleurs, tes chansons, on les retrouve sur les plateformes aussi. Vous pouvez me retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, n'hésitez pas. Il suffit de taper mon nom, Christophe Atzer, ça s'écrit A-T-X-E-R, et vous allez retrouver, pour l'instant je n'ai que 3 morceaux, mais patience parce que j'ai une belle surprise qui se prépare. Oui, on en reparlera en 2025. Oui, j'espère. En attendant, vous pouvez visionner aussi les clips sur YouTube. Oui aussi, n'hésitez pas et merci beaucoup. Ce qui se réclame d'un sang bleu, sève royale reçue des dieux, qui justifie leur mainmise sur les pouvoirs ou sur l'Église. Et pendant de longs millénaires règne la monarchie sur terre. Un jour, roitelé et despote, qu'un vent de liberté vous emporte. Pourtant, le sang de tous les hommes est rouge. Le sang de tous les hommes est rouge. Ceux qui revendiquent sans pur les dominants de la nature, qui trient les hommes, classent les rats. jour s'allument tous les flambeaux. Pour célébrer les temps nouveaux. Changer la face de la terre et se reconnaître en frère. Pourtant le sang de tous les hommes est rouge. Le sang de tous les hommes est rouge. Pourtant le sang de tous les hommes est rouge. Le sang de tous les hommes. Alors là aussi, je vais faire un bis repetita parce que je vous repropose également un nouveau titre du groupe Hemingway. Effectivement, ce groupe, on les avait vus sur scène à Valence. On les avait plusieurs fois, oui. C'est un groupe qui nous avait marqué, c'est un groupe excellent. On aimerait vraiment qu'il se reforme, c'est peut-être pour ça qu'on insiste un peu. En tout cas, on les salue, on salue Rémi. Et pour le coup, j'aimerais partager avec vous cette chanson qui s'appelle « Équation à une inconnue ». Dans le Lot-et-Garonne avec Thomas Sarodi qu'on a rencontré cet été. Il nous fait du blues rock et j'ai adoré. Voici le titre I'll Go Crazy. D'ailleurs, ils ont été sélectionnés pour participer à l'International Blues Challenge à Memphis en janvier 2025. Ah, ça, c'est une excellente aventure. On leur souhaite bonne route et de bons concerts là-bas. Kiss, and I'll go blind. nights in your dirty sheets. Amazing nights at the angle of your hips. I'll go crazy as I taste your lips. Eh bien, plus qu'à chaque fois, cette émission passe très vite, on arrive déjà à la fin. Et pour terminer cette session, nous avions envie avec Sabine de partager avec vous cette chanson du groupe de Haute-Loire, les amis de Zebra Trio, qu'on salue, que nous suivons depuis de nombreuses années et qui sont venus cet été nous faire un petit coucou, donc encore une fois, au village oui, des musiciens. C'était les 10 ans du groupe. Un groupe que nous avons plaisir à suivre. Voici la chanson pop tirée de l'EP Back for Good. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Eh oui, voilà, on se dit au revoir déjà. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. À tous et toutes, prenez soin de vous. Et on se retrouve en 2025. Ah oui, on y sera vite. Ça a été un plaisir. Merci à tous. Salut Sabine. Salut Christophe. Bye bye. Bye bye. Fucking round a few chords, mumbling and stumbling on every word you wanna scream out loud. Songs in my garage, composing the thing really like to hear and say, yeah, to hear and see. A big boy said to me once, that's cool, but if you wanna make it, a big boy said to me once, saying cool, but if you wanna make it, boy. You gotta sound like something in the pop company, though. Or you're good for nothing, or you're good for nothing in the pop, pop company, though. Pop, pop company. my ears and my senses. Well, it does make sense. It does make sense since you didn't get this knowledge in your college of yours, my poor man. I sent a few songs to my garbage, but doesn't mean that I will ever let you do the same. No, you want me to say no, no. A producer came to me once, promising fame and glory. For me, you're the pop business alone. You gotta do it simple, gotta be like something in the pop company at all. Are you good for nothing? Are you good for nothing in the pop business alone?